Genesis chapter 7, verse 16. Genesis chapter 7, verse 16. This is what he says. Genesis 7, verse 16. He says, the animals going in were male and female of every living thing. Il est dit, il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné. As God commanded Noah. Comme Dieu avait ordonné à Noé. Then the Lord shut him in. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Then the door was shut. Alors la porte fut fermée. That tells you. Cela vous dit. That the door is always shut by God. La porte est toujours fermée par Dieu. Like it was during the time of Noah. Comme c'était au temps de Noé. So will it be at the coming of the Son of Man. Ainsi sera-t-il à la venue du Fils de Dieu. At the time of Noah, they hated righteousness. À le temps de Noah, ils ont haï la justice. At the time of Noah, they hated holiness. Au temps de Noah, ils ont haï la sanctification. At the time of Noah, when you preach, they look at their watches. I'm getting late for the dinner. Au temps de Noah, quand tu prêches, ils regardent leur watch. Oh, c'est l'heure pour le dîner. You know, I don't like getting late for dinner. Non, j'aime pas être en retard pour le dîner. Looking at their clocks. Regardant leur montre. You know, for me, I normally believe in sharp. You eat at this time, and that's it. Pour moi, je crois seulement manger à cette heure-ci et puis c'est fini. You know, we are principled. And then the wife will say, hey, no, he's very principled. Alors, on a des principes, c'est que la femme va dire, ah non, il a beaucoup de principes. At this time, you must eat, I must run home. À cette heure-ci, on doit manger, on doit courir à la maison. You preach, they are controlling God. Et quand vous prêchez, et ils contrôlent Dieu. The time of Noah. Le temps de Noé. They hated righteousness. Ils ont haï la justice. And yet righteousness is the wedding gown. Oh, la justice, c'est la robe de noces. They hated holiness. Ils ont haï la sanctification. And yet without holiness, nobody will see the Lord. Oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. That means even now, ça veut dire que même maintenant, the door will be shut. La porte sera fermée. Make sure you enter before it is shut. Soyez sûr d'entrer avant que la porte soit fermée. At the time of Noah, au temps de Noé, the pastors were more concerned about their offering. Les pasteurs étaient très occupés aux offrandes. You know, you want to run church as a business. Vous devez conduire l'église comme une affaire, comme un business. You want to make sure you're making profit, financial profit. Il faut que ça soit profitable, qu'il y ait un profit financier. So it is today. Comme c'est aujourd'hui. They are running church as a business. Ils conduisent les églises comme leur propre affaire. But how about the kingdom of God? Qu'en est-il pour le royaume de Dieu? Who will lead the children of God to the kingdom of God? Qui va conduire les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu? That's why he sent me to France. C'est pourquoi il m'a envoyé en France. He sent me to his bride. Il m'a envoyé à son épouse. The bride of Christ. L'épouse de Christ. And that is this church. Et c'est cette église ici. Oh no, but men of God, there are other churches. Oh, all the other églises. I don't know about those ones. Non, non, je ne connais pas les autres là. Yeah, I know that he sent me to this one. Moi, je sais qu'il m'a envoyé pour cette église ici. That means, if the message is this important, ça veut dire que si le message est si important, then that means this is the one he's concerned about. Ça veut dire qu'il s'est concerné pour cette église ici. Welcome to Jehovah. Bienvenue chez Jehovah. Welcome to understanding the nature of the God you love. Bienvenue de comprendre la nature de ce Dieu que vous aimez. He takes a remnant and that's it. Il prend juste un reste et puis ça suffit. The time of Noah, he shut down the whole earth to 1 family. Au temps de Noah, il a repoussé tout le monde entier, il a pris 1 famille seulement. Hey. Alléluia. Alléluia. That's why I told you, please, don't give me offering, I don't want it. Because you know, offering can adulterate this word, can confuse this word. Parce que les offrandes peuvent confondre cette parole. Because they preach a good word and then they say, now, you know, you have to bless us or bring the man at the feet of the apostle, whatever it nonsense. Is, whatever nonsense they say. Regardez, maintenant nous avons prêché, maintenant l'argent, vos offrandes auprès des apôtres. Regardez les nonsense qu'ils ont dit. Mm-hmm. Non. This is something else. Ça, c'est quelque chose de this is about the kingdom of God. Ça, c'est au sujet du royaume de Dieu. And the bride of Christ. Et de l'épouse de Christ. Pastors, never do that again. Pasteur, ne faites plus jamais ça. Don't receive people that will like teach you those tricks. N'acceptez pas les gens qui vont vous enseigner ces mauvais tricks. Preach the pure and holy gospel. Prêcher l'évangile pur et saint de Dieu. We don't have time. Nous n'avons pas le temps. I need to finish. Je dois finir. Romans chapter 13. Romains chapitre 13. Romans chapter 13. Romains chapitre 13. a midnight clock. L'heure de minuit. Verse 11. Verset 11. Onwards. Jusqu'à bas. He says, and do this understanding the present time. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. The hour has come for you to wake up from your slumber. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Thank you. He says verse 11. Il dit au verset. And do this understanding the present time. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez. The hour has come for you to wake up from your slumber. À quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. The night is nearly over. La nuit est avancée. And the day is almost here. Le jour approche. So let us put aside the deeds of darkness. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. And put on the armor of light. Et revêtons les armes de la lumière. Let us behave decently. Marchons honnêtement. As in the daytime, comme en plein jour, and not in the orgies and drunkenness, loin des excès et de l'ivrognerie, not in sexual immorality and debauchery, de la luxure et de la pudicité, not in dissension and jealousy, de querelles et de jalousies. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. And do not think how to gratify the desires of the sinful nature. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Alléluia. The night is nearly over. La nuit est avancée. Remember, the morning comes at midnight. Rappelez-vous que le matin commence à l'heure de minuit. At midnight, the morning arrives. À minuit, la nuit commence. Le matin commence. Again. At midnight, the morning arrives. À minuit, le matin commence. The night is nearly over. La nuit est avancée. Let us get out of the deeps of darkness. Sortons des œuvres des ténèbres. The sexual orgies. Les orgies sexuelles. Some of you are in church. Certains d'entre vous sont à l'église. But you are busy watching pornography with your wife. Mais vous êtes occupé à regarder la pornographie avec votre femme. Those are the deeds of darkness when you are not yet born again. Ce sont les œuvres des ténèbres quand vous n'étiez pas encore né de nouveau. Some of you are in the church. Certains d'entre vous sont à l'église. But you are busy beating your wife. Vous êtes occupé à frapper votre femme. Those are the deeds of darkness. Ce sont les œuvres des ténèbres. Some of you are in the church. Certains d'entre vous sont à l'église. But you are busy lying with your taxes. Vous êtes en train de mentir sur vos impôts. You're filling in some lies. Vous remplissez avec des mensonges. Those are deeds of darkness. Ce sont les œuvres des ténèbres. Some of you are in the church. Certains d'entre vous à l'église. But you are preaching false prophecies. Vous prêchez les fausses prophéties. Some of you are in the church. Certains d'entre vous êtes à l'église. But you have signed girlfriends in Africa. Vous avez des copines en Afrique du Sud. You have other women in Africa. Vous avez d'autres femmes en Afrique. And another women in France. Et d'autres femmes ici en France. Stop it. Arrêtez cela. Let us stop the deeds of darkness. Arrêtons les œuvres des ténèbres. And he said, let us begin to wear the light, the armor of light. Il dit, commençons-nous à revêtir des armes de la lumière. Let us wear Jesus. Revêtons-nous de Jésus. The Bible says, la Bible dit, that those who are children of light, que ceux qui sont fils de la lumière, if the Spirit of Christ is in you, si l'Esprit de Christ est en vous, then you are the children of light. Alors vous êtes les fils de la lumière. Let us prepare for this dispensation of light. Préparons-nous pour cette dispensation de la lumière. It's a tremendous dispensation. C'est une dispensation extraordinaire. What I did share with you yesterday. Ce que j'ai pas partagé avec vous hier. Was that when you presented John the Baptist on my right hand side? C'est que quand il a présenté Jean Baptiste de mon côté droit. And when the Lamb of God was released from the glory. Et quand l'agneau de Dieu est venu à partir de la gloire. His raiment, sa splendeur, son apparence, became radiant. Était devenu radiant. And when I looked at him, et quand j'ai regardé, I was shocked. J'étais choqué. He was literally transfigured. Il a été littéralement transfiguré. And when I looked at myself, et quand je regardais moi-même, my radiant also changed. Mon apparence aussi a changé. It was radiant. You cannot look. C'était éclatant, tu peux pas regarder. And then, even if you were to put a dust, a drop with a pen, alors si tu pouvais même mettre une petite tache avec un bic, then you can see it. Tu vas voir cette tache là. And that's why. C'est pourquoi. You see that every vision, almost every vision. Alors chaque vision, au moins toutes les visions. That he shows me. Qu'il me montre. He must begin by opening heaven. Ça commence toujours par le ciel ouvert. And the glory begins to pour out. Et la gloire commence à se répandre. That is the last anointing promise in the church. Ça c'est la promesse de la dernière saison. It is meant to expose sin. Ça a pour raison d'exposer le péché. That even if there is one drop, you can see it. Même s'il y a une petite tache, tu dois voir cela. Because the bride of Christ is spotless. Parce que l'épouse de Christ est sans tache. She is without any stain. Elle n'a pas de tache. She is without any wrinkle. Elle n'a pas de ride. I am finished in Isaiah 26. J'ai fini Isaïe 26. What a blessed 26, please. Isaïe 26. Verses 19 to 21. Isaïe 26, verset 19 à 21. What a blessed church. Quelle église bénie. I am downloading everything. Je suis en train de downloader chaque chose. Because tomorrow at around this time. Parce que demain à partir de cette heure-ci. I will change my prayer and begin to pray for Zambia. Je vais changer ma prière, je vais commencer à prier pour la Zambie. And Tanzania is waiting. We have to move the dates to Zambia. Et la Tanzanie est en train d'attendre. Nous allons changer les dates pour la Zambie. Tanzania is even worse because there's a lot of Islam there crying for this message. La Tanzanie c'est même pire parce qu'il y a beaucoup d'Islam là-bas. Ils sont en train de pleurer pour ce message. That's why I am giving you everything. Don't take it for granted. Alors je suis en train de vous donner toutes choses. Alors ne prenez pas ça pour acquis. Amen. Alléluia. Amen. Isaiah 26. Isaiah 26. Isaiah saw the same vision the Lord gave me. Isaiah vu la même vision que le Seigneur m'a donné. About the wrath of the day. Concernant l'enlèvement des morts. And he says, but your name will live. Il dit que tes morts vont vivre. Their bodies will rise. Que les cadavres se relèvent. You who dwell in the dust. Réveillez-vous et ce serait des joies. Wake up and shout for joy. Habitants de la poussière. Your dew is like the dew of the morning. Car ta rosée est une rosée vivifiante. The earth will give birth to her dead. Et la terre donnera le jour aux ombres. Go, my people. Va, mon peuple. Enter your rooms. Entre dans ta chambre. And shut the door behind you. Et ferme la porte derrière toi. Hide yourself for a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que la colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. To punish the people of the earth for their sins. Pour finir les crimes des habitants de la terre. The earth will disclose the bloodshed upon her. La terre mettra le sang à nu. And she will conceal her slain no longer. Elle ne couvrira plus de meurtre. Hallelujah. Alléluia. If I were you. Si j'étais vous. I would underline my people. Je vais encore souligner mon peuple. I want to help you to teach you how to read this word by the Holy Ghost. J'essaie de vous aider à lire cette parole par le Saint-Esprit. Because you always want to be that. Parce que vous voulez être ce peuple-là. I'm sure you don't come to church for jokes. J'espère que vous venez pas à l'église pour jouer. You come to church that you may enter the kingdom of God. Vous venez à l'église afin de faire rentrer dans le royaume de Dieu. So you really want to know what is it that makes my people. Vous voulez alors bien comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit mon peuple? And you see, Isaiah says. Alors vous voyez, dit Isaïe a dit. That when the latter glory comes to the church. Quand la dernière gloire viendra pour l'église. At the midnight hour. À l'heure de minuit. He calls it the morning dew. Il appelle ça la rosée matinale. And he says. Il dit. It brings joy unspeakable to the church. Cela amène une joie inexprimable à l'église. Shout out for joy. Chantez de joie. Your dew is like the dew of the morning. Car votre rosée est comme une rosée matinale. And what does the dew do? Qu'est-ce que la rosée fait? He says. Il dit. The earth will conceal no longer her slain. Il dit que la terre ne couvrira plus ses crimes. The earth cannot hide the blood shed upon her anymore. La terre ne pourra plus cacher le sang qui est versé sur elle encore. That means sin must now be exposed. Ça veut dire que maintenant le péché doit être exposé. That's why the jar of oil brings wisdom. C'est pourquoi le vase d'huile amène la sagesse. Because wisdom is the fear of the Lord. Parce que la sagesse c'est la crainte du Seigneur. And you see that the latter anointing in the church. Et vous voyez que l'onction de la dernière heure à l'église. It's not for showbiz, right? Ce n'est pas pour les showbiz. It's not for Hollywood kind of show. C'est pas pour les gens de show de Hollywood. It is for preparing the bride of Christ. C'est pour préparer l'épouse de Christ. That means when you come here. Ça veut dire que quand vous venez ici, don't tell them to give me an offering. Ne leur dis pas de me donner l'offrande. Because you are going to do a healing service. Parce qu'il va faire la service de guérison. Use that anointing to expose sin. Utilise cette onction pour exposer les péchés. Remember Eli, the priest of God. Rappelez-vous d'Eli, le sacrificateur de Dieu. Eli was a God-fearing man. Eli était un homme qui craignait Dieu. Eli loved God. Eli aimait Dieu. Eli served God. Eli servait Dieu. Eli spoke with God. Eli parlait avec Dieu. But when Eli failed to rebuke sexual sin, mais quand Eli a échoué de réprimander le péché sexuel, when he failed to rebuke sin in the church, quand il a échoué de réprimander le péché dans l'église, God killed the sinners, Dieu a tué les pécheurs, together with Eli, et ensemble avec Eli. The latter anointing, la dernière onction, is to expose sin. C'est pour exposer les péchés. It is to bring repentance. C'est pour amener la repentance. That the church may enter. Afin que l'église puisse entrer. Hallelujah. Hallelujah. Let us move to the last conversation, then I'm done. Allons à la prochaine conversation, puis je vais clôturer. The global economic crisis. La crise économique globale. It was on August 19th. C'était le 19 août. The year 2008. L'année 2008. When he spoke with me again about the wedding of the Lamb. Quand il m'a parlé encore au sujet des noces de l'agneau. Again Jehovah spoke with me about the coming of the Messiah. Encore Jehovah parlait avec moi au sujet de la venue du Messie. Oh, I love the Lord. Oh, j'aime le Seigneur. That he can download such important revelation. Qu'il puisse télécharger un message si important. To somebody in the villages of Africa. À quelqu'un dans le village de l'Afrique. Revelation that make it life and death for the church. La révélation qui fait de cela la vie et la mort pour l'église. That's why you see at times it's very confusing to the church. C'est pourquoi à un moment donné c'était la confusion à l'église. They say no, but how come he has not come in a limousine with a red carpet? Il dit mais pourquoi il n'est pas venu en limousine avec un tapis rouge? They are waiting for the messenger. They are saying he must come in a certain way in their mind. Il dit que le messager doit venir d'une certaine façon dans leur pensée. Limousine, en limousine, private aeroplane, en avion privé, limousine waiting near the plane, la limousine attendant à côté de l'avion, red carpet. Les tapis rouges. Tomorrow he is in Hilton signing a book signing ceremony. Et demain il est à l'hôtel Hilton signant les livres de cérémonie. Intercontinental Hotel. C'est un hôtel continental. And he says New York bestseller. Et il dit c'est un best-seller de New York Times bestseller. C'est le best-seller de New York Times. That is now the messenger. Ça c'est le messager maintenant. The Church of Christ. L'Église du Christ. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? How come you didn't read the word? Comment est-ce que vous n'avez pas lu la parole? I remember in Kenya when I first arrived. Now it's different. Now it's a big revival where everybody runs. Maintenant ça a changé. Maintenant tout le monde court. Maintenant c'est un grand réveil. But when I first went, they said. Quand je suis arrivé au début, ils ont dit. His word is too bitter. Sa parole est très amère. He's rebuking us from loving money. Il nous réprimande de l'amour de l'argent. But we need money for ministry. Mais nous avons besoin de l'argent pour le ministère. I told them, no, you don't need money for ministry. You are lying. J'ai dit non, vous mentez, vous n'avez pas besoin de l'argent pour le ministère. You need the anointing of the Holy Spirit. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. And the anointing of the Holy Spirit gives you favor of God. Et l'onction du Saint-Esprit vous donne la faveur de Dieu. They were telling me, but I saw it on TV. They held their hands on TV, all the most of the bishops and pastors. La plupart des bishops et des pasteurs se sont tenus la main à la télévision. We are inviting our prophet of good hope from America. Nous allons inviter notre prophète de bon espoir de l'Amérique. To bring the good word, because this is too bitter. Il va amener une bonne parole parce que cette parole est très amère. This one is too heavy. It's too hard. It's too much pain. We can't carry it. Cette parole est très lourde, très pénible pour nous. On ne peut pas supporter cela. And when they invited that false prophet, et quand ils ont invité ce faux prophète, the Lord spoke with me and said, she is a false prophet. Le Seigneur a parlé avec moi maintenant, elle est une fausse prophétesse. She told them, she sent her agents first. Elle a d'abord envoyé son agent. And said, I am coming Kenya. Elle a dit, je viens à Kenya. Prepare 20 million shillings, put in my account first. Préparez 20 millions de shillings, mettez dans mon compte d'abord. Everybody was running, women are moving everybody. Tout le monde courait, les femmes accouraient aussi. The pastors ended up making more than 100 million profit. Les pasteurs ont fait même un bénéfice de plus d'un million de profit. And then they put 20 million in her account. Alors ils ont mis 20 millions de shillings dans son compte. Then she now appeared. Alors maintenant elle est apparue. There was no prophecy. Il n'y avait pas de prophétie. There was no word. Il n'y avait pas de parole. In fact, she did not even make an altar call in the meeting. En fait, elle n'a même pas fait un appel pour le salut à la réunion. And the Lord took me in the spirit where she was. Et le Seigneur m'a amené à l'esprit où elle était. And he made me know that she is aware you are here. Et elle a fait comprendre qu'elle est courant que tu es ici. But I am asking the Church of Christ in France. Mais je demande à l'Église du Christ en France. What went wrong? Qu'est-ce qui s'est mal passé? How come you did not read the word? Comment est-ce que tu n'as pas lu la parole? How come you did not see how the servant comes? Comment tu n'avais pas su comment le serviteur vient? How can you have those models of servants? Pourquoi tu avais cette mentalité de serviteur moderne? That you must give some money. Que vous devez d'abord donner de l'argent. That Jeremiah is coming to give the word to Israel, they must put 20 million in Jeremiah's account. Que Jérémie est en train de venir pour donner la parole à Israël, on doit d'abord mettre de l'argent dans le compte de Jérémie. That Isaiah is coming with the word from God, he needs some 50 million in his account first. Que Isaïe vient avec la parole du Seigneur, on doit mettre d'abord de 50 millions, 50 millions dans son compte d'abord. That Malachi is coming. Que Malachi est en train de venir. And he needs 25 million. Il a besoin de 25 millions. That Amos is coming. Que Amos est en train de venir. And he says, I only stay in Intercontinental Presidential Suite. Il dit que je reste seulement à l'hôtel intercontinental au suite présidentiel. And when they go to India, et quand ils vont en Inde, I am told, on m'a dit, they say, we don't use cars, we only use helicopters. Il dit que nous n'utilisons pas les voitures, nous utilisons seulement les hélicoptères. What went wrong with the Church of Christ? Qu'est-ce qui s'est mal passé avec l'Église du Christ? Where is the jar of oil? Où est le vase de vin? Why have you forgotten to carry the jar of oil? Pourquoi avez-vous oublié de porter d'appeler avec vous le vase de vin? It was on August 19th. Le 18 août 2008. And in that vision of the Lord, et dans cette vision du Seigneur, he lifted me up in the spirit. Il m'a soulevé en esprit. And then I realized I was right standing right in front of the throne of God Almighty. Et j'ai réalisé que je m'attendais debout devant le trône du Dieu Tout-Puissant. And when I was standing there, et quand j'étais debout là-bas, I saw the tremendous glory that spun and covered the throne of God. J'ai vu la grande gloire extraordinaire qui couvrait le trône de Dieu. And he made me know, il m'a fait connaître, that he that sits on the throne was seated on the throne. Que celui qui était assis sur le trône était sur son trône. And then after that, après cela, came the third living creature around the throne of God. Est venu le troisième être vivant autour du trône de Dieu. He came from this direction. Il venait de cette direction ici. In fact, I see when I describe, I almost believe it. J'ai même décrit comment il est. He came from this direction. Il venait de cette direction ici. And then he came towards me. Il est venu vers moi. And the Lord allowed him to come very close. Et le Seigneur lui a permis de venir proche de moi. Because he wanted to see his face. Parce que le Seigneur voulait que je puisse voir sa face. The face of the third living creature on the throne of God. Le visage du troisième être vivant autour du trône de Dieu. And when he was sure that I had seen the face. Et quand Dieu était sûr que j'ai vu son visage. Then he turned and he went back to the glory of the throne of God. Il s'est tourné, il est rentré. va tourner dans la gloire de Dieu devant le trône. And then immediately he released the black horse. Et immédiatement il a relâché le cheval noir. And the black horse went around. Et le cheval noir est parti tout autour. Around heaven. Il est tourné tout autour du ciel. And then came towards me. Et il est venu droit vers moi. And when he came very close. Et quand il est venu proche de moi. There is something the Lord wanted to show me. Il y a quelque chose que le Seigneur voulait me montrer. Many people can say black horse, black horse, black horse. Plusieurs personnes peuvent dire cheval noir, cheval noir, cheval noir. But unless God gives you the revelation. Mais à moins que Dieu te donne la révélation, you will be just speaking lies. Tu parleras seulement de mensonges. When the black horse came, I was surprised. Quand le cheval noir s'est approché, j'étais surpris. I did not know that the black horse from the throne of God. Je ne savais pas que le cheval noir à partir du trône de Dieu. Is a very black horse. C'est un cheval très noir. But that horse. Mais ce cheval. Has some white mane. Il a des sur son cou. They have long hair like this. They reach somewhere from the neck. They come like à partir de son pure white and glorious. Tous ces poils du cou sont blancs et très purs. And white, they come all the way. They come very well up to here. Ils couvrent bien jusque là. C'est tout blanc et très pur. And when he came close to me, et quand il est venu très proche de moi, the Lord wanted him to show me the mane. Le Seigneur voulait qu'il me montre ce poil blanc. So what he did, ce qu'il a fait, he stretched out his mane. Il a retressé ses poils blancs. Then he stretched the mane back on himself. Et puis il les a amenés sur lui. And then after that, après cela, I saw him released. Je l'ai vu être relâché. With his rider, avec son cavalier. And he went all over the earth. Il a parcouru partout la terre. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? I told you. Je vous ai dit. There is nothing the Lord speaks that you don't find in the Bible. Il y a rien sur quoi le Seigneur parle que vous ne trouvez pas dans la Bible. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. It talks about the four apocalyptic horsemen. Il parle des quatre cavaliers apocalyptiques. Let us finish with that precious people. Finissons avec ça, précieux peuple. And then I will leave this house. Alors je vais quitter cette maison. And tomorrow we'll do a healing service. Et demain nous allons faire un service de guérison. So worship team, prepare. Alors l'équipe d'adoration, préparez-vous pour cela. Alléluia. Alléluia. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Listen here. Watch. Look at me. Écoutez-moi ici tout le monde. Regardez ici tout le monde. Let me help you, precious Church of Christ. Et laissez-moi vous aider, Église précieuse de Jésus. The Bride of Christ. L'épouse de Christ. Revelation chapter 1. Apocalypse chapitre 1. Up to chapter 3. Jusqu'à chapitre 3. You see the Lord preparing the church. Vous voyez le Seigneur préparer l'Église. He's telling her, look, repent. Il lui dit, regarde, repens-toi. And return to your first love. Et retourne à ton premier amour. Look, repent. Regarde, repens-toi. You say you are rich. Tu dis que tu es riche. But look, you have nothing. Mais tu n'as rien. You say you have sight. Tu dis que tu as la vue. But look, you are blind. Mais regarde, tu es aveugle. Revelation 1 to 3 is talking about the church. How she can prepare in repentance. L'Apocalypse 1 à 3 parle de l'église. Comment elle peut se préparer dans la repentance. He says there is a church in Sardis. Il dit, il y a une église à Sardes. Some of them. Certains d'entre eux. Have not soiled their clothes. Ils n'ont pas sué leurs habits. They will walk with their white clothes. Ils vont marcher avec leurs habits blancs. With the Lamb of God. Avec l'agneau de Dieu. Because they are worthy. Parce qu'ils sont dignes. Worthy means holy. Quand on dit dignes, ça veut dire ils sont saints. By the way, worthy means holy. Dignes, ça veut dire saints. Revelation chapter 4. Apocalypse chapitre 4. He now talks about the throne of God. Là, il parle sur le trône de Dieu. And he's describing the throne. Il décrit le trône. And he's talking about the four living creatures around the throne. Il parle des quatre êtres vivants autour du trône. I'm just helping you read it, precious people. Je suis juste en train d'aider votre lecture, précieux peuple. That when you read at home, now you have a guideline. Quand vous allez lire à la maison, vous allez avoir un guide pour la lecture. Chapter 4, he's talking about the throne of God. Chapitre 4, il parle sur le trône de Dieu. And he's talking about the four creatures, living creatures around the throne of God. Il parle des quatre êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. And he says, this is how they look like. Il dit, regarde comment ils ressemblent. He says, one is like a lion. Il dit, l'un est comme un lion. The other one like an ox. L'autre comme une vache. The other one is the face of man. L'autre a un visage d'homme. And the other one is like a flying eagle. L'autre comme un aigle en plein vol. And then he talks of the 24 elders. Et puis il parle de 24 vieillards. That when they worship, they remove their crowns and lay down before the Lord. Et quand ils adorent, ils enlèvent leur couronne et les mettent au sous du pied du Seigneur. Make sure you lay down your crowns before the Lord. Soyez sûr que vous baissez vos couronnes au pied du Seigneur. The crown is a symbol of achievement. La couronne, c'est un symbole de l'achèvement. There is a message there to the church. Il y a un message là-bas pour l'église. Have you laid down your achievement before the Lord? Avez-vous baissez votre achèvement au pied du Seigneur. You might say, but how can I lay it down when it's the blessing from God? Vous allez dire, mais comment je vais abaisser ce qui est la bénédiction de Dieu? Remember Abraham. Souvenez-vous d'Abraham. When he blessed Abraham with Isaac. Quand il a béni Abraham avec Isaac, the promised son. Le fils de la promesse. The one and only promised son. L'unique fils de la promesse. And in fact, the true blessing of Abraham. En fait, la vraie bénédiction d'Abraham. Was that the Messiah would come from Abraham. En fait, que le Messie viendra par Abraham. From the lineage of Abraham. De la lignée d'Abraham. So Isaac was very critical to complete the blessing. Alors, Isaac était très important pour accomplissement de la bénédiction. But the Lord turned around. Mais le Seigneur s'est détourné. And asked Abraham to sacrifice Isaac. Il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. He told him, lay him down and slaughter him for me. Il a dit, offre-lui un sacrifice. And then when they were going up the hill, alors qu'ils montaient à la montagne, Isaac asked, Isaac a demandé, Father, the wood is here. Père, le bois est ici. The fire is here. Le feu est là. And the knife is here. Et le couteau est là. But where is the lamb of sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? And Abraham answered, et Abraham a répondu, my son, mon fils, the Lord himself, le Seigneur lui-même, will provide the lamb for the sacrifice. Voilà pour l'agneau de sacrifice. And when he lifted up his hand, et quand il a soulevé sa main, when he was going to do this, il était sur le plan de. The Lord said, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Don't hurt the boy. Now I know that you fear me. Maintenant je sais que tu me crains. Which means you obey me. Ça veut dire que tu m'obéis. Which means the fear of the Lord. Ça veut dire que la crainte de Dieu. Will cause you to lay down your blessing. Ça va vous conduire à donner votre bénédiction. Lay down your blessing. D'offrir votre bénédiction. In order to worship the blesser. Pour que vous ayez adoré celui qui bénit. The fear of the Lord, la crainte du Seigneur, will cause you to lay down your achievement, va vous causer d'offrir votre achèvement, to worship the Lord, d'adorer le Seigneur. And that is what the 24 elders are doing. C'est ce que les 24 vieillards font. But then, when you go to Revelation chapter 5, alors quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 5, he introduces a scroll. Il introduit les livres. And he says, et il dit, the Father is holding the scroll on his right hand. Le Père tient le livre de sa main droite. But we know that Jesus is seated on the right hand side. Et nous savons que Jésus est assis à la main droite aussi. And there is a crisis in Revelation chapter 5. Il y a une crise dans l'Apocalypse chapitre 5. They are looking for he that can break the seals of the scroll. Ils cherchent qui va briser les sceaux pour ce livre. And they look above the higher heavens. Ils cherchent au-dessus des cieux. They look into the higher heavens. Ils regardent dans les profondeurs des cieux. They look into the lower heavens. Ils regardent bas dans les cieux. They look on earth. Ils regardent sur la terre. Under the earth. Ils regardent sous la terre. And under the sea. Et sous les eaux. And below the bottom of the sea. Et en dessous des profondeurs des eaux. Nobody was found. Il n'y a personne qui était trouvé. Who was worthy to open and break the seals. Qui était digne de prendre les livres et d'abriser les eaux. And then as the crisis reigned. Alors quand la crise continuait. Then the voice of the Lord said. La voix du Seigneur a dit. Don't worry now. Ne vous inquiétez plus. Because the Lamb of God. Parce que l'agneau de Dieu. The Lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Juda. He has triumphed. Il a triomphé. By his own blood. Par son propre sang. On his own merit. Par son propre mérite. By his own power. Par sa propre pouvoir. By his own authority. Par sa propre autorité. He can now break the seal. Il peut maintenant briser les sceaux. And open the scroll. Et ouvrir le livre. Why was there the crisis? Pourquoi y avait la crise là-bas? Because what is written inside the scroll, parce que ce qui est écrit à l'intérieur du livre, is absolutely so critical. C'est tellement important for the entry of the church into heaven. Pour l'entrée de l'église dans le ciel. In fact, you can put it in other words. En d'autres mots, you can say, vous pouvez dire, it is the blueprint for the redemption of mankind. C'est l'empreinte pour la rédemption des hommes. Why would I say so? Pourquoi je dirais ainsi? Daniel the prophet. Daniel le prophète. He saw the scroll. Il a vu le livre. And he saw the sealing of the scroll. Il a vu quand le livre était scellé. But he saw some things inside it. Mais il a vu des choses à l'intérieur de cela. And then they said, now you can seal it and close it. On lui a dit maintenant tu peux le sceller et le fermer. What were the things that were inside? Quelles sont les choses qui étaient à l'intérieur? Why is it so critical that somebody break the seals and open the scroll? Pourquoi était-il si important que quelqu'un brise les sceaux pour ouvrir le livre? Listen very, very, very carefully right now. Écoutez attentivement maintenant. Very, very, very. Vraiment très, très attentivement. Inside the scroll, à l'intérieur du livre, are the secrets of God. Il y a les secrets de Dieu. The secrets, les secrets that define the prophetic timeline. Qui définit la ligne prophétique. Inside the scroll, à l'intérieur du livre, are written events. En sont écrits les événements. That when the church will see, et quand l'Église va voir cela, then she will know how close she is to rapture. Elle saura à quel point elle est proche de l'enlèvement. That's why he took in that vision of 2nd of April. Dans cette vision de 2 avril, he first showed me the four apocalyptic horses. Il m'a d'abord montré les quatre chevaux apocalyptiques. Because there are seven seals. Parce qu'il y a sept sceaux, but only the first four are credible. Seulement les quatre premiers sont critiques. That's why he showed me that vision of 2nd of April. C'est pourquoi il m'a montré cette vision de 2 avril. The first thing he showed me even before he placed John the Baptist here. La première chose qu'il m'a montré même avant qu'il mette John Baptist ici. Were the four horses and horsemen. Les quatre chevaux avec les cavaliers dessus. Let us read very carefully. Every horse. Et disons attentivement chaque cheval. Every horseman. Chaque cavalier correspond with the breaking of a seal. Correspond à un brisement des sceaux. And it brings forth certain manifestations on the earth. Et ça amène une certaine manifestation sur la terre. And I have announced each one of them. Et j'ai annoncé chacune d'entre elles. From the white horse I announced. J'ai annoncé sur le cheval blanc. I've been going all over the world. Je suis allé partout dans le monde. Even on radio and television. Même à la radio et à la télévision. In newspapers. Dans les journaux. So nobody can say they never heard. Pour que personne qu'ils n'ont pas entendu cela. When the second was broken, I announced. Quand le second était brisé, j'ai annoncé. And when the third was broken, August 19th. Et quand le troisième était brisé, le 19 août. I announced. J'ai annoncé. And I've come to France. Et je suis venu en France. To also announce it. Pour aussi annoncer cela ici. Then I can wash my hands. Alors je pourrais laver mes mains. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Verse 1. Verset 1. I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Nobody move right now. Que personne ne se déplace maintenant. This is life and death. Ceci c'est la vie ou la mort. And it's a lot of blessing for me to release a deep revelation. C'est un grand bénédiction pour moi de donner une très grande bénédiction comme celui-ci. The message you receive today is live conversation between the Father and the Church. Ce que vous entendez aujourd'hui c'est une conversation. A life unto Dieu et l'Église. Because it's coming from visions to the word of God to you. Parce que ça vient de la vision dans la parole de Dieu et à vous. I say no TV station is carrying it. J'ai dit, il n'y a pas une chaîne de télévision qui porte cela. No radio. Il n'y a pas de radio. I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Then I heard one of the four living creatures say. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait. In a loud voice like thunder. Comme d'une voix de tonnerre. Come. Viens. I looked and there before me was a white horse. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Its rider held a bow and was given a crown. Celui qui le montait avec un arc. Il courait en lui fut donné. And he rode out as a conqueror bent on conquest. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Verse 3. Verset 3. When the Lamb opened the second seal, et quand il ouvrit le second sceau, I heard the second living creature say, j'entendis le second être vivant qui disait, come, vient. Then another horse came out. Et sortit un autre cheval. A fiery red one. Ou un roux. Its rider was given power to take peace from the earth. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. And to make men slay each other. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. To him was given a life sword. Et le grand de paix lui fut donné. Verse 5. Verset 5. When the Lamb opened the third seal. Quand il ouvrit le troisième sceau. I heard the third living creature say, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, come, viens. I looked and there before me was a black horse. Je regardais, voici paré un cheval noir. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Then I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, a quart of wheat for a day's wages. Une mesure de blé pour un denier. And three quarts of barley for a day's wages. Et trois mesures d'orge pour un denier. And do not damage the oil and the wine. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. When the Lamb opened the fourth seal, quand il ouvrit le quatrième sceau, I heard the voice of the fourth living creature say, j'entendis la voix du quatrième être vivant disant, come. Viens. I looked and there before me was a pale horse. Je regardais, voici paré un cheval d'une couleur pâle. Its rider was named Death. Celui qui le montait se nommait la mort. And hate was following close behind him. Et les anciens des morts l'accompagnaient. They were given power over a fourth of the earth. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. To kill by the sword. Pour faire périr les hommes par l'épée. Famine. Par la famine. And plague. Par la mortalité. And by the wild beasts of the earth. Et par les bêtes sauvages de la terre. Verse 9. Verset 9. When he opened the fifth seal, quand il ouvrit le cinquième sceau, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God. Je vis sur lequel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. And the testimony they had maintained. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. And they called out in a loud voice. Ils criaient d'une voix forte. How long, sovereign and holy and true? En disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable? How long, sovereign Lord? Jusqu'à quand, maître saint et véritable, holy and true, saint et véritable, until you judge the inhabitants of the earth, quand tu as jugé et attiré vengeance de notre sang, and avenge our blood, sur les habitants de la terre, then each of them was given a white robe, à chacun d'eux, and they were told to wait a little longer. Et leur fut dit de se tenir en repos quelques instants encore. Until their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. I looked as he opened the sixth seal. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. And a tremendous earthquake takes place. Il y eut un grand tremblement de terre. And the seventh seal is the final judgment. Et le septième sceau c'est le jugement final. Now listen very, very, very, very carefully. Maintenant écoutez très, très, très attentivement. You see the first seal. Vous avez vu le premier sceau? Is broken. C'est brisé. Then the white horse is released. Et le cheval blanc est relâché. I remember that day and I announced we have it on DVD, it's not a problem. Nous avons ça dans le DVD, je me rappelle quand j'ai annoncé cela. I want to focus on number 3. Je vais me focuser sur le numéro 3. When the second seal is open, quand le deuxième était ouvert, the fiery red horse is released. Le cheval rouge était relâché. Blood and everything. Il y a eu le sang partout. When the third seal is broken, et quand le troisième sceau est brisé, and now the black horse is released. Maintenant le cheval noir est relâché. And that is the reason I was able to stand before 2 million people and say, c'est pourquoi j'étais capable de me tenir devant 2 million personnes et dire, that there is a global economic crisis coming to the earth. Qu'il y a une crise globale économique qui arrive sur la terre. That there is a global famine coming to the earth. Qu'il y a une famine globale qui arrive sur la terre. Why was I able to prophesy? Pourquoi étais-je capable de prophétiser? And look, less than 2 months it happened in October. Et voyant, 2 mois plus tard, ça s'est accompli au mois d'octobre. Until now, presidents of the world are running to me to fix the financial crisis. Jusqu'aujourd'hui, les présidents de pays sont en train de chercher de se rencontrer pour arranger la crise économique. Because the Bible says, parce que la Bible dit, the rider of the black horse, le cavalier du cheval noir, is holding a pair of scales. Il porte une balance. A balance. In balance. And that is how God speaks. C'est comme ça que Dieu parle. When he means economy. Cela veut dire l'économie. Buying and selling. Acheter et vendre. I give you here, you put for me here, so you balance. Je vous donne là-bas et vous me donnez ici, alors vous balancez cela. That's why I say. C'est pourquoi j'ai dit. That there is a black day coming. Il y a un jour noir qui arrive. A black day coming to the global economies. Un jour noir qui arrive à l'économie globale. And since people go to work to bring bread on the table. Depuis que les gens vont travailler pour amener le pain sur la table, then I said there's a global famine also coming. Alors j'ai dit aussi qu'il y aura une famine globale qui va arriver. And then you see that immediately, et vous voyez immédiatement, when the third seal is open, quand le troisième sceau est ouvert, then now you hear a voice from among the four living people. Vous entendez maintenant une voix qui retentit au milieu des quatre êtres vivants. That is the voice of God Almighty himself. C'est la voix du Dieu Tout-Puissant lui-même. And he says a quart of wheat for a day's wages. Il dit un denier de blé pour une journée. And three quarts of barley. Et trois mesures d'orge. For a day's wages. Pour un jour. In the Hebrew definition of a quart. Dans la définition hébraïque d'un quart. Again, in the Hebrew definition of a quart, dans la définition hébraïque de mesure de blé, it is just enough wheat for one person for one day. C'est assez de blé pour une personne pour une seule journée. And since people go to work for their families, alors quand les gens vont travailler pour leur famille, you cannot reach home and start eating for yourself only. Vous pouvez pas aller travailler puis amener le pain pour manger vous seulement. And that's why I say there's a global famine coming. C'est pourquoi je dis il y a une famine globale qui arrive. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, précieux peuple. You cannot understand the message God has sent me with to France. Vous ne pouvez pas comprendre le message avec lequel Dieu m'a envoyé ici en France. Until you read verse 7. Jusqu'à ce que vous lisez le verset 7. And you see the breaking of the fourth seal. Et vous voyez le brisement du quatrième sceau. And then you see the pale horse coming. Et vous voyez le cheval pâle arriver. What I did not share with you. C'est que je n'ai pas partagé avec vous. That in that vision. Et dans cette vision. Following the black horse. Derrière le cheval noir. Very close. Très proche. Was the pale horse. C'était le cheval pâle. And again he showed it to me. Twice in that vision. Alors il m'a montré ça à deux reprises dans cette vision. And then I saw that he was about to come to the church. Alors j'ai vu qu'il était sur le point d'arriver sur l'église. And you see that when the pale horse is released. Et quand le cheval pâle est relâché. And the fourth seal is broken. Et quand le quatrième sceau est brisé. Then death comes to the earth. Alors la mort arrive sur la terre. The rider is given power. Le cavalier on lui a donné le pouvoir. To kill. De tuer. And when he opens another seal. Et quand il ouvre un autre sceau. The fifth seal. Le cinquième sceau. And now you see the souls of the saints. Et vous voyez les âmes des saints. Under the altar of God. En dessous de l'autel de Dieu. Those who have been beheaded. Ceux qui étaient décapités. Those who have been massacred. Qui ont été massacrés. Those who have been killed. Qui ont été tués. Because of the testimony of Jesus. À cause du témoignage de Jésus. Because of the word of God. À cause de la parole de Dieu. But we know that that happens in the tribulation. Alors nous savons que cela va arriver à l'autel de la tribulation. We know that when he's given the power to kill one fourth of the earth. Nous savons que quand on lui donne le pouvoir de tuer un quart de la terre. That only happens in the great tribulation. Ça, ça arrive seulement au temps de la grande tribulation. And that means the church has been taken. Ça veut dire que l'église a déjà été enlevée. That means the rapture has taken place. Ça veut dire que l'enlèvement a déjà pris lieu. That is the secret he brought me to give to you. Ça, c'est le secret qu'il m'a amené pour vous donner. That now that the black horse was released. Maintenant que le cheval noir a été relâché. And I prophesied it. Et je l'ai prophétisé. And less than 2 months it happened. Et à moins de 2 mois, c'est accompli. Until now. Jusqu'aujourd'hui. The global economies are very shaky. La crise globale économique est très dure. There are many companies, auto companies. Il y a des compagnies d'automobiles. The credit lines. Les lignes de crédit. The banks. Les banques. The mortgage companies. Les compagnies des hypothèques. Shut down. Ils ont tous fermé. And it happened less than 2 months. Et ça est arrivé à moins de 2 mois. What is the message there? Quel est le message là-bas? Il dit that there is a prophetic acceleration here. Il y a une accélération prophétique ici. Things are moving very fast. Les choses vont très très vite. And you see that when the black horse is released, vous voyez que quand le cheval blanc, le cheval noir est relâché, the following effects must be seen. Les effets, vous allez les voir. Today, even in the United States of America, aujourd'hui même aux États-Unis d'Amérique, they are giving food handouts to people. Ils donnent la nourriture dans les food banks aux gens. Even in Africa. Même en Afrique. Remember in Kenya they are roasting mice, right? Au Kenya, ils sont en train de rôtir les rats, les souris. You see them roasting on TV, they show, and they break a piece and give their babies. À la maison, ils tuent les rats et les rôtis et puis ils donnent à leurs enfants. There is a problem with cereals, maize. Il y a un problème de céréales. Everything that is manifested by the rider of the black horse. Tout cela, ce sont les manifestations du cavalier du cheval noir. Is right here. Ça arrive maintenant, c'est ici maintenant. God has sent me to France. Dieu m'a envoyé en France. To tell you. De vous dire. That don't wait for another prophecy. N'attendez pas une autre prophétie. Don't wait for another seal to be broken. N'attendez pas qu'un autre sceau soit brisé. The next time a seal is broken. La prochaine fois qu'un autre sceau est brisé. And that is the fourth seal. Ça c'est le quatrième sceau. The church has been taken. Alors l'église sera déjà enlevée. Prepare the way. Préparez le chemin. For the coming of the Lord. Pour l'arrivée du Messie, du Seigneur. And he says. Il a dit. The voice of the Father himself said. La voix du Père lui-même a dit. He said to the rider of the black horse. Il dit à celui qui montait sur le cheval noir. That I know you are going there to cause some damage. Je sais que tu vas là pour faire des dommages. I've given you authority to do this. Je t'ai donné l'autorité de le faire. Because it was prophesied. Parce que ça a été prophétisé. It was set by my clock. Ça a été fait sur mon horloge. To mark the prophetic timeline. Pour marquer la ligne prophétique de temps. And he's telling him, il lui dit, but in all the damage you're going to do the global economies, dans tous les dommages que tu vas faire dans l'économie globale, when you find oil, quand tu vas trouver de l'huile, don't touch it. Ne le touchez pas. When you find wine, quand tu trouves le vin, don't touch it. Ne le touchez pas. What is the message there? Quel est le message là-bas? Remember Jesus in Matthew 25. Rappelez-vous de Jésus dans Matthieu 25. He said, the wise church is the church that is carrying oil. Il dit que l'église sage, c'est l'église qui porte de l'huile. She is burning her lamp, she is burning oil. Elle allume sa lampe, elle amène de l'huile. Remember the scripture I read yesterday. Rappelez-vous de l'écriture que j'ai lu hier. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verse 50 to 56, verset 50 à 56, where it says the flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God. Il dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. That means, ça veut dire, when you are a church, quand vous êtes une église, and a Christian, et un chrétien. Reading this word, lisons cette écriture, you will understand that the oil Jesus was celebrating in Matthew 25. Vous comprenez que l'huile dont Jésus célébrait dans Matthieu 25 is the same oil the Father is celebrating in Revelation chapter 6. C'est la même huile dont le Père est en train de célébrer dans Apocalypse chapitre 6. That is the Holy Ghost. Ça c'est le Saint Esprit. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. And so he's telling the rider of the black horse. Alors il dit à celui qui montait sur le cheval noir. But if you meet Christians walking in the Holy Spirit, quand tu vas rencontrer les chrétiens qui marchent dans le Saint-Esprit, who have killed the flesh and the blood, qui ont tué la chair et le sang, don't touch them. Ne les touchez pas. That's why Daniel said. Le frère Daniel a dit. But my people, mon peuple, everyone whose name will be found written in the book, tous ces noms et noms seront écrits dans le livre, will be delivered. Ils seront délivrés. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, he is centralizing the Holy Ghost. Il est en train de centraliser le Saint-Esprit. He has sent me here, il m'a envoyé ici, to centralize the Holy Spirit in the Church of Christ in France. Pour centraliser le Saint-Esprit dans l'Église du Christ en France. In Leviticus chapter 24. Dans Lévitique chapitre 24. You can read it at home. Vous pouvez lire ça à la maison. He gave instruction to Moses. Il a donné instruction à Moïse. And he told Moses. Il a dit à Moïse. That go tell Aaron. Va dire à Aaron. In other words, the priests. En d'autres mots, les prêtres. That they should command the Israelites. Ils doivent commander aux Israélites. to bring them some clear oil made out of pressed olives. Il doit amener de l'huile pure qui a été faite, de l'olive qui a été pressée. Some clear. If I were you, I meant clear oil. I understand clear oil. D'amener de l'huile claire qui est pure. Some clear oil made out of pressed olives. C'est de l'huile pure qui a été faite, des olives qui ont été pressées. And he said, tell them. Et il a dit, dis-leur. That when the evening comes, quand le soir arrive, they should use it to tend the lamp of God continually. Ils doivent utiliser cette huile pour garder la lampe de Dieu continuellement allumée. You know what tending is? Vous savez ce que c'est quoi d'allumer? The restaurant tendant, the tending the restaurant. The people that tend you when you're eating. Les gens qui vont au restaurant pour manger. They come check if your Coca-Cola is can I add you another? Il vient vérifier votre Coca-Cola si c'est fini et vous ajoutez encore. I see that your water is less. Can I add you another? Je vois que votre eau a baissé. Je peux ajouter de l'eau. He's telling the servant that tend the lamp, which means you keep checking and adding the oil. Il dit au serviteur, il faut vérifier la mesure de l'huile. Il faut ajouter à tout moment quand ça baisse. And then, alors, he says until the morning comes. Il dit jusqu'au matin. And we know in the church today that the dispensation of darkness has now come. Que la dispensation des ténèbres est déjà arrivée. That means this is what he's asking you Christians to tend the lamp continually, adding oil, adding the Holy Spirit, Holy Spirit. So you are showing the light, the fruit of the Spirit. Il faut ajouter la lumière à vos lampes, ajouter la lumière du Saint-Esprit pour montrer le chemin dans votre vie. The fruit of the Spirit. Le fruit de l'Esprit. So when you're lighting, they can see the fruit of the Spirit. Quand vous êtes allumé, on peut voir le fruit de l'Esprit. The Holy Spirit must now run your life. Le Saint-Esprit doit maintenant conduire votre vie. Because the rider of the black horse has an instruction. Parce que celui qui monte le cheval noir a une instruction. And when you see anyone in the oil, et quand il voit n'importe qui opérant dans l'huile, don't damage them. Il dit, ne les touche pas. John chapter 2. Jean chapitre 2. Jesus went to a wedding in Cana. Jésus est parti aux noces à Cana. And they ran out of wine. Ils n'avaient pas de vin. That was his first miracle. C'était son premier miracle. And then the mother said, "Look, come. These people have run out of wine. What can you do?" Et le mère a dit, "Regarde, viens. Cet homme, ces hommes n'ont plus de vin. Qu'est-ce que tu peux faire?" Looked. Regarde. And he says, "Woman, why do you involve me?" Il dit, madame, ma femme, pourquoi m'impliquez-vous à cela? My time is not yet. Mon temps n'est pas encore arrivé. But later, mais plus tard, when the pots were empty, quand les pots étaient vides, finally empty, que finalement ils étaient vides, he said, "Pour water." Il dit, mettez de l'eau, remplissez de l'eau. And he converted it into wine. Il a transformé cela en vin. And then they took some to the chief guest. Ils ont amené ça au chef de banquet. And he said the following. Il a dit ceci. Most people bring out the best wine first. La plupart des gens amènent leur meilleur vin avant. But you have kept the best wine until now. Mais toi tu as gardé le meilleur vin jusqu'à cette heure-ci. Why was the second wine the best wine? Pourquoi le deuxième vin était meilleur que le premier? Because the first wine, parce que le premier vin, was made out of the fermentation of yeast. Était fait à la fermentation des levures. And the second wine, et le deuxième, came right from heaven. Est venu directement du ciel. Made without fermentation of yeast. A été fait sans fermentation des levures. And the Lord is saying, alors le Seigneur dit, that the Joel dispensation is here. Que la dispensation de Joël est là. I know you have been drunk with another wine. Je sais que vous étiez ivre avec un autre vin. But now there is the wine coming from heaven. Maintenant il y a un vin qui vient du ciel. The oil is the anointing of the Holy Spirit. L'huile c'est l'onction du Saint-Esprit. The wine is the power of the anointing. Mais le vin c'est la puissance de cette onction. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, that for anyone operating in the new oil, que tout ce que opère dans la nouvelle onction, with the power of the new wine, avec la puissance du nouveau vin, don't touch it. Ne le touchez pas. Because they are my people. Parce qu'ils sont mon peuple. Don't touch them. Ne les touchez pas. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. I have seen the wedding of the Lamb. J'ai vu les noces de l'agneau. I have seen the Messiah coming for the church. J'ai vu le Messie venir pour l'église. I have seen the wedding rings for the wedding of the Lamb of God. J'ai vu les anneaux de mariage pour les noces de l'agneau de Dieu. I have seen the cloak of God Almighty. J'ai vu l'horloge du Dieu Tout-Puissant. And it's 1 minute midnight. Et il est une minute avant minuit. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The next time a seal is broken, la prochaine fois qu'un sceau sera brisé, the church has been taken. L'église serait déjà partie. And if you remain, et si vous restez, you'll be forced to be a devil worshiper. Vous serez forcé à devenir un adorateur du diable. Because sacrifice is going to be removed from the house. Parce qu'on va enlever les sacrifices de la maison de Dieu. But if you still refuse to worship the devil then, alors si tu refuses d'adorer le diable alors, you must be beheaded. On doit vous décapiter, couper la tête. And that's why you see the souls crying under the altar. C'est pourquoi vous voyez les âmes pleurer en dessous de l'autel. And he said, no. Il dit non. I cannot avenge your blood. Je ne peux pas venger votre sang. Until your fellow brethren who are supposed to be killed have also been killed. Jusqu'à ce que vos compagnons, vos frères soient tués comme vous avez été. That means to put your head on a piece of wood, your neck on a piece of wood. Ça veut dire de mettre votre cou sur un morceau de bois. And then take an axe. Et on prend une hache. And then the head rolls. Et puis votre tête va rouler. Beheaded. Va être découpé. To fulfill scripture. Pour accomplir l'écriture. Prepare the way for the Lord. Préparez le chemin pour le Seigneur. Make straight in the wilderness a highway for our God. Préparez le chemin pour le Seigneur. Aplanissez dans le lieu aride. Every valley shall be raised up. Une route pour notre Dieu et que toute vallée soit exaucée. Every mountain and hill made low. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. The rough ground shall become level. Que les coteaux se changent en plaine. And the rugged places of plain. Et les défilés étroits en vallon. And the glory of the Lord will be revealed. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. And all mankind together will see it. Et au même instant, toute chair la verra. For the mouth of the Lord. Car la bouche de l'Éternel. He has spoken. A parlé. Somebody stand up on your feet. Que quelqu'un se tienne debout sur ses pieds. Wherever you are, où que vous soyez, it does not matter anymore. Peu importe maintenant, how long you've been a Christian? Combien longtemps avez-vous été chrétien? How many people you have led to the Lord? Combien de personnes vous avez conduit au Seigneur? What your title is? Quel est votre titre? Pastor, bishop, name it. Pasteur, bishop, vous pouvez le nommer. But there is one thing that matters right now. Mais il y a une chose qui est importante en ce moment. If you know that you are not right with the Lord, si vous savez que vous n'êtes pas droit avec le Seigneur, the Lord has sent me here, le Seigneur m'a envoyé ici, to announce to you, vous annoncer, on the coming of the Messiah, sur la venue du Messie. I know you say that you love the Messiah. Je sais que vous avez dit que vous aimez le Messie. But do you love him enough? Mais l'aimez-vous assez? To stop sin. D'arrêter de pécher. To turn away from sin. De vous détourner du péché. To repent. De vous repentir. I am going to pray in 2 minutes. Je vais prier dans 2 minutes. If you know that you are not right with the Lord, si vous savez que vous n'êtes pas correct avec le Seigneur, you can run to the altar of the Lord. Vous pouvez courir maintenant devant l'autel du Seigneur. Don't walk, but run. Ne marchez même pas, mais courez. Run, courez, run, courez. Run. If you know that it is not well, si vous savez que ça ne va pas, that if the wedding of the Lamb of God took place today, que si le nom de l'agneau aura lieu maintenant, you will not enter. Que vous n'entrerez pas. The window is open today. La fenêtre est ouverte maintenant aujourd'hui. Tomorrow, I don't know. Demain, je ne sais pas. But today, I know. Mais aujourd'hui, je sais. The Bible says, la Bible dit, nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Even the Son of Man, même le Fils de l'homme, he don't know the day or the hour. Il ne connaît pas le jour ou l'heure. Even the angels, même les anges, they do not know the day. Ils ne connaissent pas le jour. Give room, let them come. A lot of people are coming. Il y a plusieurs personnes. Donnez-leur l'espace. Avancez devant. Give everybody a chance. Donnez à chaque personne une chance. When you reach here, begin to speak to Jesus. Quand vous arrivez ici, commencez à parler à Jésus. Speak to him about yourself. Parlez de lui, de vous-même. Parlez à lui de vous-même. About your Christian life. Parlez avec lui de votre vie chrétienne. About the state of your heart. Parlez de l'état de votre cœur. About your salvation. Concernant votre salut. I am now going to pray. Je vais maintenant prier. Repeat in French very loud. Répétez en français à haute voix. Say precious Jesus. Dis précieux Jésus. Say much louder than that. Dis très plus fort que ça. Precious Jesus. Précieux Jésus. I repent today. Je me repens aujourd'hui. And turn away from sin. Et je me détourne du péché. Prepare me. Prépare-moi. Prepare my heart. Prépare mon cœur. And receive me. Et reçois-moi. And fill me. Et remplis-moi. With the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I am a new creation. Je suis une nouvelle création. Lift up your hands, everybody. Levez vos mains, tout le monde. And close your eyes. Et fermez vos yeux. Lift your hands high up. Levez vos mains plus haut que ça. Mighty Father. Père Tout-Puissant. Father, you are the God of Elijah. Père, toi, tu es le Dieu d'Élie. The God of Moses. Le Dieu de Moïse. The God of our Lord Jesus. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Father, look, they have repented today. Seigneur, regarde, ils se sont repentis aujourd'hui. Father, you are my best friend. Père, toi, tu es mon meilleur ami. Father, I welcome your presence here today. Père, je reçois ta présence aujourd'hui. That your Holy Spirit, que ton Saint-Esprit, may cover these people, puisse couvrir ce peuple, and anoint them, Lord, et puisse les oindre, Seigneur, with the baptism of fire, avec le baptême de feu. Beginning from here. Commencez par là-bas. Mighty Father, Père Tout-Puissant, let their sons and daughters, laisse que leurs filles et leurs fils, dream dreams, disent avoir des rêves, and see visions, et avoir des visions, Because the time is now. Parce que l'heure est maintenant. That you may touch their lives. Afin que tu puisses toucher leur vie. And change the church in France. Et de changer l'église en France. And purify your bride. Et de purifier ton épouse. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Let us clap to the Lord. Acclamons pour le Seigneur. Listen to me. Écoutez-moi. Those who have received the Lord for the first time. Ceux qui ont reçu le Seigneur pour la première fois. Make sure you see Pastor Monquet is here and other pastors are here. Soyez sûr de voir le pasteur Monquet et même d'autres pasteurs ici. Those who were Christians. Ceux qui sont chrétiens. And you were in sin. Et vous étiez dans le péché. And today you have repented. Aujourd'hui vous êtes repenti. You too, make sure you are baptized again. Soyez sûr que vous soyez à nouveau baptisé. Don't go back to sin. Ne retournez plus dans le péché. Time is over. Le temps n'est plus là. Tomorrow is the healing service. Demain c'est un service de guérison. So the Lord is going to heal you tomorrow. Le Seigneur va vous guérir demain. For His glory. Pour sa gloire. The tumors. Les tumeurs. They will disappear. Ils vont disparaître. The lame and paralyzed will walk tomorrow. Les paralytiques et les boiteux vont marcher demain. Because of the blood of the Lamb. À cause du sang de l'agneau. Prepare the way. Préparez le chemin. I have seen the Messiah come. J'ai vu le Messie venir. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.